Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. J'ai retrouvé une photo là, celle-là. Quoi ? C'est mes trois filles, ça. Oui. Ah, oh, ben écoute, voilà, c'est ma progéniture. Écoute, elle est... C'est Yann, là, Yann. Oui, Yann, oui. Marine, évidemment. Marine Marie-Caroline. Et Marie-Caroline, oui. Elle pourrait recommencer cette photo, Marie-Caroline ? Je crois pas. Pour l'instant, nous ne sommes pas en relation. Non, nous avons un fort contentieux. Ce sont des attitudes personnelles à mon égard que je juge incompatibles avec la morale familiale et avec la morale tout court. Je pardonne beaucoup, mais pas tout. Voilà. Pas tout. Jeanne revient. De François Perrache. Réalisation Cédric Ossir. 12 douches douces. 16 chaises sèches. Tata, ta tarte, tatin, tonta, tonton. Tonton, tata, ta tarte, tatin, tata. C'est pas bon, mais t'entends de tenter de tâter, de téter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites, Ariane ? Articulation. Très important, l'articulation. Pour mes scènes dans le film. Benjamin m'a dit qu'il était en train de m'écrire le texte pour Jeanne d'Arc. Je m'exerce. Je me suis fait un café. Vous voulez un café ? Un déca, je veux bien, oui. Un déca ? Bon, ben, je vous fais ça. Monsieur Poulidor, je peux vous demander un petit conseil, vous qui travaillez depuis longtemps dans le cinéma ? Oh, moi, je suis surtout dans la partie compta-gestion. Oui, enfin, vous connaissez bien le milieu et j'aurais voulu avoir votre avis pour ma future carrière. Votre carrière ? Bah, si ça marche fort pour moi à la sortie du film sur Le Pen, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que le rôle de Jeanne d'Arc me colle à la peau pour la suite de ma carrière de comédienne. C'est-à-dire ? Bah, à votre avis, est-ce que Jeanne d'Arc est pas un peu trop connotée à droite, voire à l'extrême droite ? Et donc, est-ce que les producteurs, les réalisateurs, les agents ne risquent pas de me cataloguer ? De me cataloguer, moi, Ariane, à l'extrême droite ? Parce que moi, je le sens. Je peux tout jouer, tout. Je vais jouer Jeanne d'Arc, ok, mais je pourrais jouer aussi des personnages de gauche, comme Louise Michel, ou Arlette Laguiller, ou Laurence Parisot. Vous croyez pas ? Mais oui, bien sûr, Ariane. Je suis certain que vous pouvez tout jouer. D'ailleurs, physiquement, Arlette Laguiller, Laurence Parisot et Jeanne d'Arc, elles sont assez proches. Hein. Minces, combatives, les cheveux courts... Donc, Jeanne d'Arc, elle est pas trop marquée à l'extrême droite ? Mais non, mais pas du tout. Jeanne d'Arc, c'est la patronne de la France. Le Front National s'en est emparé, mais elle est à tout le monde. Jeanne est à la fois un symbole républicain et royaliste. Elle est à la fois de droite et de gauche. De gauche ? Jeanne d'Arc ? Mais bien sûr ! Jeanne, la pauvre petite paysanne, abandonnée par son roi et brûlée par l'Église. Le parti communiste de Maurice Thorez adorait Jeanne d'Arc. C'est assez récent que l'extrême droite l'ait récupérée. Ah ! En fait, Jeanne d'Arc, elle est un peu de droite et en même temps, elle est un peu de gauche. Exactement. D'ailleurs, est-ce que vous savez où Emmanuel Macron, quand il n'était encore que ministre de l'économie dans un gouvernement socialiste, a fait son premier grand discours public ? Le premier discours qui a été couvert par toute la presse et où tout le monde a compris qu'il visait l'Élysée. Je sais pas, au MEDEF ? Non, aux fêtes joanniques. C'est la fête annuelle en l'honneur de Jeanne d'Arc à Orléans, en avril 2016. Emmanuel Macron fonde En Marche, et un mois plus tard, en mai 2016, il préside les fêtes joanniques. Et figurez-vous que les élus orléanais de droite ont même boycotté son discours ce jour-là. Alors si ça, c'est pas la preuve que Jeanne d'Arc est en même temps de droite et de gauche... Bah oui, Jeanne, en fait, elle est En Marche, à cheval. Et deux ans plus tard, en 2018, devinez qui a présidé les fêtes joanniques ? Je sais pas, Arlette Laguiller. Ah non, quand même. Mais pas loin. Édouard Philippe, juste avant d'être nommé Premier ministre. Alors vous voyez, Jeanne d'Arc, elle porte bonheur. Il n'y a pas mieux pour lancer une carrière. Vous êtes rassurée ? Je peux avoir mon déca ? Ah, oui, oui, tenez. Merci. Bonne journée, Ariane. Et bon courage pour votre tournage. Je suis sûr que vous allez être formidable. Merci. Merci vraiment, monsieur Poulidor. Bon, allez, au boulot, articulation, articulation. Pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cuit, pruneau cuit. Ah ! Merde ! Troisième épisode, Bruno cru, Bruno cuit. Comment se fait-il que le président que vous êtes a perdu sa fonction de rassembleur? Comment ça s'est passé, ça? C'est un petit peu comme le mari, même parfait, qui s'aperçoit que sa femme s'en va. Tout de même, tant de cadres, pourquoi tant de gens vous ont-ils abandonné? Les services de sécurité, tout de même, on les voit se rallier à Bruno Maigret depuis le début, et votre propre directeur de cabinet, sans oublier votre fille. Ma fille, si vous voulez, on va la tenir à l'écart de ça. Vous voyez, je ne suis pas méchant, Tom, je lui souhaite son 39e anniversaire aujourd'hui, et que je ne suis pas un père indigne, mais il est évident que je suis un peu choqué de voir ma fille s'engager contre son père et se laisser instrumentaliser à cause de son nom. Si elle portait le nom de son compagnon, cette chance ne lui serait pas laissée. Encore merci de prendre un peu de temps pour nous renseigner. Avec plaisir. Tout ce qui peut emmerder la famille Le Pen. Allô? Oui, maman, c'est moi. On est prêt ici, hein. J'ai mis sur haut-parleur. Oui, moi aussi, pour que tout le monde puisse parler. Bonjour, donc, je suis avec Benjamin, là, qui réalise le film. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous aussi, vous êtes un des fils? Vous travaillez en famille? Ce n'est pas un problème pour vous, j'espère. C'est juste que le travail en famille, ça me rappelle quelques mauvais souvenirs. Bon, on est là pour en parler, non? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Par quoi on commence? Alors, on aimerait que vous nous parliez un peu de Bruno Maigret et de la période 1988-1998. Ah, les grandes années. Moi, Bruno, je l'ai connu à l'IX, Polytechnique, promo 1969. J'étais plutôt au fond du classement, alors que lui, il est sorti dans la botte. Bruno, c'est un type hyper brillant, il a fait les bronzés chaussés derrière. Mais on s'est tout de suite bien entendu avec Bruno, parce qu'on avait les mêmes idées. Je suis fils de militaire et Bruno a toujours aimé cet univers. Ça lui faisait aussi un point commun avec Le Pen. Bruno, il a été officier de réserve. Il a fait l'IHEDN en parallèle de l'IX. C'est quoi l'IHEDN? Institut de hautes études de défense nationale, une école de militaires. C'est ça. Bref, je vous passe rapidement le début de l'histoire que vous devez connaître. Bruno s'est d'abord approché du RPR. Il a été candidat pour eux aux législatives de 81 contre Rocard. Et il a quand même réussi à le mettre en ballottage. Ça lui a fait une petite notoriété. Mais Bruno a toujours été pressé. Il se sentait à l'étroit dans le RPR de Pasqua. Donc, l'année d'après, je l'ai suivi pour la création de ce qu'on a appelé les comités d'action républicaine. Je m'occupais, sur mon temps libre, des adhésions. Et ça marchait assez fort. On est monté à 10 000 adhérents en 5-6 ans. Et il rentre quand au FN exactement? On est entré en 1985. Et on a pris la carte officiellement que 2 ans plus tard. Mais déjà, en 1984, Bruno s'était rapproché de Jean-Marie Le Pen pour les élections européennes. Ah, ça a été un vrai pari politique. Parce qu'on a perdu énormément de militants maigrettistes à ce moment-là. Mais ça a payé assez rapidement pour Bruno. Aux législatives de 86, grâce à la proportionnelle, le FN va décrocher 35 députés et Le Pen veut ouvrir le FN à de nouveaux partenaires. Donc il se rapproche de Bruno qui est élu du député en Isère. Et dès l'année d'après, Le Pen l'a nommé directeur de campagne pour la présidentielle de 1988. Comment vous expliquez qu'ils sont montés si vite dans l'organigramme? Oh, il faut bien dire qu'il n'y avait pas grand monde du niveau de Bruno au FN à l'époque. Les hauts fonctionnaires couraient pas après Le Pen. Pas encore. Bruno était un super organisateur. Dès son arrivée en 85, il a structuré tout le parti, qui était encore très amateur dans son organisation, avec beaucoup de bénévoles. Et puis, surtout, Bruno a soutenu Le Pen à fond pendant la campagne de 88, y compris au moment du détail. Et avec Jean-Pierre Stirbois, ça se passait comment, la cohabitation? Ils se détestaient. Jean-Pierre venait d'un milieu modeste, alors que Bruno est polytechnicien et fils de haut fonctionnaire. Et Bruno a eu une ascension fulgurante, alors que pour Stirbois, qui avait presque le même âge, ça a pris plus de temps. Jean-Pierre Stirbois, on a un peu oublié, mais le FN lui doit énormément. Il a fait 17% à Dreux en 1983. Énorme. Élection locale, mais c'est le vrai début du succès national du FN. parce que c'est la première fois que le FN va fusionner avec une liste RPR qui est élue grâce au FN. Et Jean-Pierre devient adjoint à Dreux. Et après, c'est l'ascension pour Stirbois, député européen, député des Hauts-de-Seine. Et il finit par entrer au bureau politique du FN, où il est en compétition avec Bruno pour le poste de numéro 2. Le Pen, il organisait cette rivalité? Je sais pas si on peut dire ça, mais Le Pen, c'est un chef. C'est le chef, par excellence. Donc, oui, il a toujours appliqué le « diviser pour mieux régner ». De toute façon, la compétition Maigret-Stirbois a tourné court. En mai 88, Jean-Pierre rentre d'un meeting à Dreux et il se tue dans un accident de voiture. Et à partir de là, Bruno Maigret a le champ libre. Oui, le début des années 90 a été une période euphorique pour nous. Dès 88, Bruno est nommé délégué général. Ça se passe vite, et bien, au moins en termes de résultats. On progresse à chaque échéance électorale, on se professionnalise. Et Bruno contrôle rapidement de plus en plus de cadres du parti. Évidemment, en interne, ça grince des dents, ça résiste. C'est qui les opposants de Maigret à ce moment-là? Après la mort de Stirbois, je dirais que chronologiquement, ça a d'abord été Karl Lang. Mais celui-là, il s'est fait broyer comme les autres par le clan Le Pen. C'est-à-dire? Un jour, Le Pen, je sais plus où, a dit « Je préfère mes filles à mes cousines et mes cousines à des étrangères ». En 95, quand Bruno commençait à monter en puissance, Le Pen a confié sa campagne présidentielle à son gendre, Samuel Maréchal, le mari de Yann, le père de Marion. C'est la famille, toujours la famille. Et Karl Lang, ça a été le premier à en faire les frais. Lang, on fait pas plus fidèle au FN que lui. Et comment Le Pen le récompense? En 2005, Le Pen lui demande carrément de céder sa place de secrétaire général à Louis Hélio. Le compagnon de Marine. Et 3 ans après, rebelote. Le Pen reconvoque Lang pour lui dire qu'il doit laisser la tête de liste aux élections européennes à sa fille, à Marine. Là, Lang refuse, alors Le Pen l'exclut tout simplement du parti. Après 30 ans de bons et loyaux services. C'est ça le clan Le Pen. Le patriarche sacrifie son fidèle lieutenant pour faire plaisir à sa fille et même pour faire plaisir à son gendre. Et l'exclusion de Bruno Maigret, c'est aussi une histoire familiale. D'abord, il y a un désaccord idéologique de fond, politique. Bruno, il prenait en gros une alliance avec le RPR pour une vraie conquête du pouvoir. Et ça, il l'avait affirmé presque dès son arrivée au FN, pendant le congrès de mars 90. Et de l'autre côté, il y avait une ligne plus sociale, on pourrait dire, qui poussait la stratégie de dédiabolisation et qui se voulait ni de droite, ni de gauche. Bon, évidemment, je résume à très gros traits. Et c'est qui les représentants de cette ligne sociale? Toujours la famille. Marine et son beau-frère, Samuel Maréchal. Mais le père Le Pen n'arrivait pas à tenir tous les courants rassemblés. Dans le début des années 90, Maigret a pris de plus en plus de place. On enchaînait les succès électoraux, mais Le Pen, sur un plan personnel, était frustré. En tout cas, c'était l'analyse qu'on en faisait avec Bruno. Pour les municipales de 1995, par exemple, on avait carrément l'impression que Le Pen était jaloux des bons résultats obtenus par les élus locaux du FN. En 95, on a quand même raflé Marignane, Toulon, Orange. Et plus on avait de succès électoraux, plus Le Pen faisait la gueule. Ah, c'est pas un hasard si à cette époque, il multiplie les saillies antisémites, les dérapages contrôlés, pour essayer d'exister. Comme pour nos universités d'été à la Grande Motte en 96. Quand il a parlé d'inégalité des races, c'est ça? Ouais. Et à partir de là, ça a été la guerre ouverte entre Le Pen et Maigret jusqu'à son exclusion. C'est super, hein, tout ça. Et avant de continuer, je me demandais, est-ce que vous seriez d'accord pour le raconter devant une caméra? On pourrait mettre votre témoignage en bonus du DVD du film. Ce serait génial. Oh non, non, non, non, non. Moi, je veux rester anonyme. Non, mais c'est pas un problème. On peut vous filmer à contre-jour. Et on défend votre voix. Vous ne seriez absolument pas identifiable. Complètement anonyme. Vous avez ma parole. Remarquez tout ce qui peut emmerder la famille Le Pen. À l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Ah. Alors ? cru que j'y arriverais jamais. J'ai fait toutes les boutiques de Barbès. Ça, des perruques, il y en avait. Hein. On m'en a proposé des longues, des courtes, des frisées, des lissées, des tressées. Mais alors, pour dégoter une perruque blonde, coupe au carré. Donc, elle est peut-être pas géniale, hein. Mais j'ai pris celle que j'ai trouvée. En tout cas, c'est une super idée. Bravo, Benjamin. Moi, j'ai rien inventé. Hein. C'est Pierrette Le Pen elle-même qui l'a dit. Marine, c'est Jean-Marie avec une perruque. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant des années au Guignol de l'Info. Franchement, ça marchait très bien. Et Jean-Marie, il en dit quoi? J'ai pas encore eu vraiment l'occasion de lui en parler, mais... Il va adorer. Le début de la fin, ça a été l'élection à la mairie de Vitrolles en 97. Le problème, c'était que Maigret était inéligible, soi-disant qu'on aurait dépassé les plafonds de dépenses pour la campagne de 95. Bref, Bruno demande à Catherine, sa femme, de le remplacer, et Catherine est élue. En réaction, Jean-Marie Le Pen demande à son gendre, Samuel Maréchal, le mari de Yann, de s'associer à Marine pour contrer Maigret. Marine, oh, c'était la moins politisée des trois filles à l'époque, mais Jean-Marie l'a poussée à se présenter contre Bruno aux élections du comité central du parti de mars 97. Mais on résiste et on réussit à la faire battre. Alors son père fait entrer d'autorité Marine au comité central. Ah, c'est un sacré piston, non ? Et l'année d'après, en 98, il la bombarde à la tête de la direction juridique du parti. Dans les couloirs, on la surnomme la garde rouge, la policière, le capot. Elle organise la purge avec Valran de Saint-Just. Ils ont même inventé le terme de démaigrettisation. Le coup de grâce pour Maigret, c'est les Européennes de 99. Le Pen nous le fait à l'envers. Je vous explique. Le Pen, en 99, il est inéligible. Bruno se dit que c'est son moment. Sauf que Le Pen demande à Janie, sa femme, de devenir tête de liste aux Européennes à sa place. Maigret est furibard, évidemment, mais Le Pen se marre en lui répondant qu'il fait exactement la même chose que Maigret a fait à Vitrolles avec Catherine. Bruno dit « Je ne serai pas le rocard de Le Pen » et Jean-Marie répond au « Félon ». Il n'y a qu'un seul numéro FN, c'est le numéro 1. Là, Maigret claque la porte et tous les maigrettistes se barrent, y compris son gendre, Philippe Olivier. Et mi-décembre 98, Le Pen donne une interview sur TF1 où il répudie carrément Marie-Caroline, devant les caméras, en parlant de ces femmes qui ont l'habitude de suivre leur mari ou leur amant plutôt que leur père. C'était violent, hyper violent. Sa fille, sa propre fille, sur TF1. Et deux jours après, Le Pen achève Maigret en meeting. Ce qui me différencie de César qu'approchait Brutus le couteau à la main et qui releva sa toge pour se couvrir la tête, c'est que moi, je sors mon épée et je tue Brutus avant qu'il ne me tue. C'était une lutte à mort. Et c'est Le Pen qui a gagné. Moi, je crois que c'est le départ de Marie-Caroline qui l'a le plus affecté. Il mettra plus de 20 ans à pardonner à sa fille. Et encore, je suis pas sûr qu'il ait pardonné. Je m'en souviendrai de Noël 98. La famille Le Pen et le parti ont explosé le même jour. Nous, on a été éjectés, et c'est un autre Bruno qui a pris la suite. Et 3 heures plus tard, Bruno Gollnisch annonce le verdict. Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou et ses lieutenants sont exclus du Front National. Avec un petit rappel sur la nature véritable du parti. Le Front National, nous disait-on, n'est pas un parti comme les autres. En effet, il n'est pas un parti comme les autres. Il est un parti qui aspire à rétablir l'ordre en France et nul ne comprendrait qu'il ne rétablisse pas d'abord l'ordre dans ses propres rangs. Non mais c'est ridicule là ! Ridicule ! Oh, j'en ai fait des trucs dans ma carrière, hein. J'ai jamais dit non à un rôle, jamais. Alors, j'ai accepté de jouer des drogués, des unijambistes, même des banquiers. J'ai tout accepté, tout. Mais alors ça, je vous le dis, c'est une connerie. C'est juste un essai, Jean-Marie. Si ça fonctionne pas, promis, j'insiste pas. En tout cas, ce gloss, il te va bien, Jean-Marie. C'est quoi la marque ? Je suis grotesque. Pardon, Benjamin, mais c'est une idée à la con. Mais moi, je suis sûre que tu vas être aussi formidable dans le rôle de Marine, Jean-Marie. On l'essaye, cette perruque ? Ouais. C'est incroyable. Waouh. T'es hyper belle, Jean-Marie. C'est génial. Avec la perruque et le maquillage, on y croit complètement. De toute façon, j'arriverai jamais à imiter sa voix à elle. En plus, je suis sûr que vous faites ça uniquement pour faire des économies sur les cachets. Mais non, pas du tout. Et puis, pensez à tous ces grands acteurs qui ont joué des rôles travestis magnifiques. Hein, Dustin Hoffman dans toutes ces... Jack Lemmon et Tony Curtis dans certains Lame Show. Non, mais... c'est pas un peu trop rouge, les lèvres, quand même? Oh non, te va hyper bien, ce gloss. Fais-moi confiance. Finis de te maquiller et mets tes boucles d'oreilles. Moi, je te raconte la suite pendant que tu te prépares. Donc... Je te disais, dans cette partie du film, on est après l'expulsion de Maigret du FN en 98. On va raconter l'ascension de Marine et sa rivalité avec l'autre Bruno. Gollnisch. Merci, j'avais suivi. Et cette rivalité, on va la vivre à travers un événement clé, le congrès de Nice. En 2003. Gollnisch, tu vois le personnage ? Prof de droit et de japonais, Kato Tradi, anti-IVG, etc. Lui, il dit pas qu'il est d'extrême droite, mais de la droite nationale. C'est subtil comme nuance, quand même. Gollnisch, c'est un coriace. C'est lui qui tiendra le plus longtemps au poste de numéro 2. Il entre au FN en 83, et malgré toutes les brimades, il restera auprès de Le Pen pendant 28 ans. Ah, il a tenu un an de plus que Pierrette. Pierrette et Jean-Marie ont été mariés 27 ans. Ceci dit, Jeannie est en passe de battre leur corps, hein. Ça fera 29 ans de mariage. Bref, Gollnisch, donc, Gollnisch. Encore un fidèle parmi les fidèles, il a fait toutes les campagnes depuis 83. En 98, au départ de Maigret, c'est lui qui prend la place de délégué général. En 2002, c'est encore lui qui dirige la campagne de la présidentielle et au congrès de Nice, en 2003, donc. Après 20 ans de dévouement au chef, Gollnisch se dit que son heure est venue. Pour te contrer, pour contrer Marine, Gollnisch lance l'opération TSM. Tu devines ? Tout sauf Marine. Bingo ! Pendant le congrès, il donne des consignes de vote contre toi, contre Marine. C'est dégueulasse. Oh, mais la pauvre. Gollnisch arrive en tête, Karl Lang en deuxième place, et toi, Marine, t'es relégué à la 34e place. 34e ? Je suis 34e ? C'est dégueulasse. Jean-Marie Le Pen est obligé de proclamer les résultats, mais tu sais ce qu'il fait ? Je sais pas, non. Il ne proclame pas les résultats ? Si, mais pour la première fois dans l'histoire du parti, il ne les proclame pas dans l'ordre d'arrivée, mais dans l'ordre alphabétique. Ah bah merci papa. Bravo Jean-Marie. Et, c'est pas fini. Jean-Marie Le Pen convoque un bureau politique extraordinaire et il annonce à tous les frondeurs qu'il a décidé unilatéralement de faire rentrer 10 nouveaux membres choisis par lui au bureau politique du parti pour renouveler et rajeunir l'équipe. 10 nouveaux membres dont... Dont Marine ? Dont moi ? Eh oui, voilà comment tu t'es retrouvé directement vice-présidente du FN. Ah, il est fort. Bravo Jean-Marie, il est fort. Et c'était quand ça ? À Nice, en 2003. Et c'est cet épisode-là qu'on va raconter parce que c'est vraiment l'acte de naissance politique de Marine Le Pen. Ah bon ? 2003 ? Moi, j'aurais pas choisi cette date comme point de départ de la carrière de Marine. Et t'aurais choisi quelle date ? Je crois que c'est évident. C'est pas moi qui le dis, c'est Marine elle-même. À l'époque, elle l'avait raconté dans Gala ou Voici, je sais plus. Mais quand, quoi ? Elle a même fondu en larmes ce jour-là, des larmes de joie, bien sûr. Elle a raconté qu'elle a sauté au cou de sa belle-mère Jeannie. Et Marine lui a dit, je m'en souviens, avec les accouchements, ça doit être le plus beau jour de ma vie. Mais quand, Ariane ? C'est quand le plus beau jour de la vie de Marine Le Pen ? Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui ? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein ? Bon, donc on peut passer à la question suivante peut-être. Et la rencontre entre Tapi et Le Pen à Montretout, elle a vraiment eu lieu ? Peut-être voulez-vous évoquer cette rencontre que M. Tapi a toujours niée et qui aurait eu lieu à Montretout en mars 1993, alors que M. Tapi était ministre du gouvernement Bérégovoy et qu'il était aussi candidat aux législatives à Gardanne, mais qu'il espérait que le Front National maintienne son candidat au deuxième tour pour assurer son élection. Une rencontre Tapie-Le Pen, c'était bien improbable, n'est-ce pas, chère Christine? Un peu de lait? Avec plaisir. Et merci de me recevoir chez vous. On est plus tranquille qu'au bureau, non? Alors, dites-moi tout. Que puis-je pour vous? Je n'imagine pas que vous soyez venu jusqu'à moi uniquement pour ces petites anecdotes sur Montretout. Oui, je pense qu'on a fait le tour de cette maison hantée. En fait, je voudrais un avis au sujet de votre ex-voisine. Ma voisine? Marine. Vous avez habité à côté de chez elle pendant des années à Montretout, non? Oui, elle était tout à fait charmante avec moi. Je dois confesser une vraie sympathie pour Marine. C'est la petite dernière et j'ai toujours pensé qu'elle vivait son destin non pas comme une chance, mais comme une malédiction. Désolée Christine, mais je ne tiens pas à dévoiler d'autres anecdotes sur elle. Non, ce ne sont pas des anecdotes que je cherche. Non, ce serait plutôt votre point de vue sur la réalité de ses ambitions politiques. Je n'arrive pas à me faire une idée précise de ce qu'il a décidé à prendre la succession de son père. Elle qu'on disait surtout préoccupée de faire la fête. À quel moment elle bascule dans l'arène politique ? Le 21 avril 2002, ou après le congrès de Nice quand elle est devenue vice-présidente, ou plutôt, plus tard, vous dateriez ça de quand, à peu près? À peu près. Du 20 janvier 2005 à 11h du matin, j'y étais, à la Trinité-sur-Mer, dans la maison familiale où j'étais venu aider au service. Marine était venue s'y réfugier. Elle voulait fuir les médias après une nouvelle sortie de son père. Une semaine plus tôt, le 12 janvier, il avait donné une interview dans Rivarol où il disait que l'occupation allemande en France n'avait pas été particulièrement inhumaine. Oui, j'ai relu ça l'autre jour. Nouvelle bronca, évidemment. Toute la presse lui tombe dessus. Et le président, tout en prétendant vouloir calmer le jeu, en remet une couche dans un article du Nouvel Obs. Marine est bien gentille, mais sa stratégie de dédiabolisation ne nous a rien apporté. Un front gentil, ça n'intéresse personne. Etc. Etc. J'étais en face d'elle quand elle a reçu le coup de fil de son conseiller qui lui a lu l'article. Je crois que je n'ai jamais vu Marine dans une colère si noire. Elle a immédiatement rappelé son père. Je n'entendais pas ce que lui disait le président, mais je me souviens très bien des derniers mots de Marine, juste avant de raccrocher. « Puisque c'est comme ça, je serai candidate contre Goldnisch. Si une nouvelle ligne doit émerger, elle émergera. » C'était Jeanne revient. La véritable histoire de la famille Le Pen. De François Perrache. Troisième épisode. Avec Christine Gagneux, Éric Berger, Elios Noël, Clémentine Verdier, Gabriel Ledose, Philippe Duquesne, Alain Libolt et Jean-Claude Bolreda. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Stéphane Desmond, Cédric Chatelus. Assistante à la réalisation, Louise Loubrier. Réalisation, Cédric Ossire.